Le canon démonté, souvenir de la guerre, extrait des petits contes alsaciens écrits par Jules Girardin, lu par Armen pour audiocité.net. La chanson du printemps. Le ciel est d'un bleu humide et brillant, l'air est doux et tiède. Dans les rameaux d'une aubépine en fleurs, un petit oiseau a caché son nid. Perché sur la plus haute branche, l'oiseau, par ses chants joyeux, charme ses petits qui n'ont pas encore assez de plumes pour prendre leur essor. Il leur dit, dans son petit langage tout plein d'allégresse et de reconnaissance, comme Dieu est bon, comme il s'occupe de la plus faible de ses créatures, comme la terre est grande et féconde, et combien elle produit de bonnes choses pour les petits oiseaux. Il leur apprend tout doucement ce qu'ils devront savoir le jour où ils auront des ailes, sur quels arbrisseaux ils trouveront la nourriture la plus abondante. Quand l'homme au sarrau bleu, leur dit-il, se penchera sur sa charrue et que le soc étincelant s'enfoncera dans le sol, suivez-le pas à pas et profitez sagement des trésors que la charrue aura déterrés exprès pour vous. Oh, la belle chose qu'un champ bien retourné, où l'on trouve en abondance les vermisseaux et les insectes. Oh, la belle chose qu'une moisson qui verdoie comme un pré au clair soleil du printemps. Elle est plus belle encore quand elle frissonne au souffle de la brise d'été. Mes chers petits, voyez comme la vie est une douce chose et rendez gloire à Dieu qui vous l'a donnée. Quand l'oiseau se taisait par intervalles, les petits du fond de leur retraite entendaient le bourdonnement des abeilles, le bruit des travailleurs, les mugissements des bœufs et les propos joyeux qui s'échangeaient de loin par-dessus les haies. Car les cœurs étaient à la joie, la moisson promettait d'être belle, les arbres étaient tout blancs de fleurs, la vie était douce pour tout le monde. La bataille. Le ciel est bas et triste. De gros nuages sombres, emportés par le vent d'hiver, touchent presque la cime des grands arbres qui frissonnent. Dans les rameaux noirs et noueux de l'aubépine, il y a un nid abandonné où tombent les feuilles mortes. Les petits se sont dispersés aux quatre vents du ciel. L'oiseau se tient immobile sur une branche et regarde avec effroi la campagne déserte. Que sont devenus les hommes dont le travail, même en hiver, donne encore quelque vie à la plaine immense? Pourquoi ces femmes fuyaient-elles ce matin en emportant leurs enfants dans leurs bras? Au loin, un chien hurle et pleure dans une ferme abandonnée. Les cheminées n'envoient plus leur fumée vers le ciel. Une charrue a été laissée au milieu d'un champ. Le soc se rouille, enfoui dans un sillon commencé. Des bandes de corbeaux planent au-dessus de la campagne en poussant des cris de joie qui font frémir. N'est-ce pas un orage que l'on entend gronder par intervalles de l'autre côté de l'horizon? Tout à coup, d'un chemin creux débouchent des soldats haletants. L'oiseau s'enfuit effarouché. Un officier d'un regard rapide explore le terrain et dit d'une voix brève « Mes enfants, c'est là !» Aussitôt, les soldats, au milieu du plus profond silence, creusent le sol et rejettent la terre tout autour de l'aubépine et de la vieille barrière de bois. D'autres soldats apparaissent, montés sur des chevaux qui traînent une lourde pièce de canon. L'attelage fait un détour jusqu'à ce que le canon présente sa gueule menaçante à la haie d'aubépine. Les chevaux sont dételés, les hommes poussent de toute leur force à la roue, le canon est en place. À l'horizon apparaissent des masses d'hommes noires et profondes qui envahissent la plaine comme une marée montante. L'homme aux épaulettes d'or crie « Feu !» On voit un éclair. La terre tremble. Dans la masse noire là-bas, une trouée se fait et se referme aussitôt. À chaque coup, une trouée. Mais bientôt, des éclairs partent de la masse noire. L'ennemi rend coup pour coup. ou plutôt il rend 20 coups pour un. Les obus éclatent de tous côtés et font à la terre d'affreuses déchirures. Un à un tombent les servants de la pièce. Un jeune soldat, presque un enfant, s'écrie en tombant pour ne plus se relever. « Oh mon Dieu, si nous étions au moins vainqueurs !»« Nous sommes vaincus !» répond l'officier en tombant à son tour. « Mais nous avons fait notre devoir. Vive la France !» Dans la forêt obscure où l'oiseau a cherché un asile, il se dit tristement « Plus jamais la terre ne reverdira, plus jamais ne refleurira l'aubépine. » Espoir. La terre a reverdi, l'aubépine est en fleur, l'herbe épaisse couvre de son manteau les déchirures de la terre et les tertres sous lesquels dorment ceux qui sont morts pour la France le jour de la grande bataille. L'aubépine de ses branches fleuries voile le canon démonté qui reste incliné sur sa roue brisée. Partout la vie surabonde, les plantes à la taille élancée ont poussé entre les montants de l'affût et les jantes des roues. Des papillons volent çà et là, enivrés par la lumière du ciel et le parfum des fleurs. L'oiseau a quitté la forêt, il est revenu à son ancien nid. Perché sur une des roues du canon, il entonne pour sa nouvelle couvée l'éternelle chanson du printemps. Mais plus son chant est rempli d'allégresse, plus mon âme s'attriste à l'entendre. Comme la nature se rit de nos douleurs, et comme Dieu s'est retiré de nous. Voilà les pensées qui naissaient de l'amertume de mon cœur. Mais à mesure que l'oiseau chantait, un charme étrange agissait en moi. Mes pensées devenaient moins amères. Cette douce musique, par une force à laquelle je résistais en vain, m'attirait peu à peu hors de ma tristesse. Elle emportait mon âme vers des régions plus élevées et plus sereines, où j'entrevoyais un rayon de la vérité. Non, la nature ne se rit pas de nos malheurs, et Dieu ne se retire que de ceux qui le repoussent. Nos larmes, notre désespoir, nos plus affreuses catastrophes sont, entre ses mains puissantes, comme les germes de notre bonheur à venir. Jamais sur cette terre le sang de l'homme n'a été versé en vain. Ici même a coulé notre sang le plus pur. Ce n'est pas une veine rosée que la terre a pu boire en une heure, c'est l'Holocauste qui doit nous purifier et nous racheter. Ceux qui reposent sous ces tertres fleuris ont acquis en un jour la gloire la plus belle et la plus pure où l'homme puisse aspirer, car ils sont morts pour la patrie, et Dieu sera pour eux un juge indulgent. Notre devoir est de les honorer en suivant leur exemple. Est-ce suivre leur exemple que de nous laisser ramollir par la douleur et de nous attendrir sur nous-mêmes ? Élève-toi, mon cœur, cherche Dieu, fais ton devoir partout, toujours, du dévouement le plus obscur aussi bien que de la gloire la plus éclatante se compose la grandeur de la patrie. Ces pensées avaient germé dans mon âme aussi naturellement que l'herbe sur la glorieuse tombe de nos chers morts. Plus l'oiseau chantait, plus mon cœur devenait vaillant. Et je sentis bientôt s'épanouir en moi la fleur divine de l'espérance.